Une atmosphère farfelue règne dans notre quartier. Grâce à un drôle d'hurluberlu aux dons particuliers, il se dirige vers les dames seules d'une démarche équivoque. Puis ouvrant son manteau leur dit « Admirez mes breloques au sac en papier. Le v'là de nouveau dans le secteur, sac en papier. » Tralala, quel bonheur, on le reconnaît à son cri. Et madame, regardez, j'ai quelque chose de chouette à vous montrer. Sur sa grosse tête, il porte pour garder l'incognito un sac en papier, ce qui fait que c'est peut-être votre oncle Joe, ou bien votre petit ami, ou un flic en goguette. L'ambiance était inexistante avant qu'il nous la mette au sac en papier. Le v'là de nouveau dans le secteur, sac en papier. Tralala, quel bonheur, on le reconnaît à son cri. Et madame, regardez, fait quelque chose de chouette à vous montrer. Sophie était une artiste et allait aux beaux-arts. Un jour, sac en papier lui déballa tout son bazar. Calmement, elle prit son carnet pour en faire un croquis. Mais il abandonna la pose en poussant un grand cri. Au sac en papier, le v'là de nouveau dans le secteur, sac en papier. Tralala, quel bonheur, on le reconnaît à son cri. Hé, hey, madame, regardez, j'ai quelque chose de chouette à vous montrer. On le soupçonne d'être un peintre au talent méconnu, ou bien encore un psychopathe au désir incongru de se produire aux folies bergères dont il fut refoulé. Mais je doute qu'il se trouve beau car il n'a pas quoi pavoiser. Un sac en papier, le v'là de nouveau dans le secteur, sac en papier. Tralala, quel bonheur, on le reconnaît à son cri. Et madame, regardez, j'ai quelque chose de chouette à vous montrer. J'ai quelque chose de chouette à vous montrer.